chose à nous dire, maître Hylaspastia? Mon lieutenant, mon auberge devrait être fermée depuis 10 minutes. Enfin, nous avons encore avant l'appel le temps d'aller passer une heure au théâtre. Vous y viendrez avec nous, n'est-ce pas, les belles? C'est impossible. Frasquita. Oh, je suis désolée. Mais toi, Carmen, je suis bien sûr que tu ne refuseras pas. C'est ce qui vous trompe, mon lieutenant. Tu m'en veux parce qu'il y a un mois, j'ai eu la cruauté de t'envoyer à la prison. À la prison? Je ne me souviens pas d'être allée en prison. Je sais par Dieu bien que tu n'y es pas allée. Le brigadier qui était chargé de te conduire ayant jugé à propos de te laisser échapper et de se faire dégrader et emprisonner pour cela. Il a passé un mois en prison. Mais il en est sorti. Depuis ce matin. Oh, tout est bien puisqu'il en est sorti. Qu'est-ce que c'est que ça? Une promenade au flambeau. Et qui promène-t-on? Oh, je le reconnais. C'est Escamillo, un torero qui s'est fait remarquer aux dernières courses de Grenade. Pardieu, il faut le faire venir. Nous boirons en son honneur. Maître Hylaspastia, faites-nous apporter de quoi boire. Seigneur, seigneur, car avec les soldats, il est torero, veut s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ces jours de fête, le cirque est plein du haut en bas. Les spectateurs perdent la tête, les spectateurs s'interpellent. Apostrophe, grisez ta page, poussez jusque à la fureur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, en garde, allons, allons, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend, toréador, l'amour t'attend. Il vient et frappe encore. On se commence. ses bandes rient. Plein de fureur, il court, le cirque est plein de sang. On se sauve, on franchit les grilles. C'est ton tour maintenant. Allons, en garde, allons, allons. C'est bien, nous partons. Dis-moi ton nom, la belle. Je m'appelle Carmen. Ou la Carmencita, comme tu voudras. Eh bien, Carmen ou la Carmencita, si je m'avisais de t'aimer et de vouloir être aimé de toi, que me répondrais-tu? Je répondrais que tu peux m'aimer tout à ton aise, mais que quand être aimé de moi, pour le moment, il n'y faut pas songer. J'attendrai, alors. Puisque tu ne veux pas venir avec nous, c'est moi qui, dans une heure... Pas de revenir. Je reviendrai tout de même. Nous partons avec vous, Torero. De ne pas les suivre. Le Don Cahir et le Remendado viennent d'arriver. Et tenez, les voici. Eh bien, les nouvelles. Pas trop mauvaises, les nouvelles. Mais c'est de vous trois surtout que nous avons besoin. Pour vous aider à porter des ballots. Ah, patron, faire porter des ballots à des dames. Mais ça ne serait pas distingué. Remendado, vous comprenez? Oui, patron. Bien. Nous avons en tête une affaire. Elle est admirable, ma chère. Mais nous avons besoin de vous. Oui, nous avons besoin de vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De de tromperie, de duperie, de connerie. Il est toujours conscient parfois d'avoir des femmes avec soi. Et sans elle, mais tout de même, on ne fait jamais rien de bien. Sans nous, jamais rien de bien, sans nous, moi, jamais rien de bien. N'êtes-vous pas de cette avis? Si belle je suis de cette avis. N'êtes-vous pas de cette avis? Si belle je suis de cette avis. N'êtes-vous pas de cette avis? Quand il s'agit de l'économie, il est toujours conscient parfois d'avoir des femmes avec soi. Et sans elle, mais tout de même, on ne fait jamais rien de bien. J'ai dit alors, vous partirez. S'il vous plaît, de partir, partez. Mais je me suis... Fallait venir et tu viendras. Je suis le chef. Et tu crois que je t'obéirai? Partez sans moi, j'irai vous rejoindre demain. Mais pour ce soir, je reste. Oh. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Qui attends-tu donc? Un pauvre diable de soldat qui m'a rendu service. Tu auras beau entrouvrir les volets et regarder s'il vient, je parierai qu'il ne viendra pas. On ne parie pas, tu perdrais. Un beau dragon, ma foi! Tu devrais décider ton dragon à te suivre et à se joindre à nous. Oh, si cela se pouvait! Mais il n'y faut pas songer. Hein? Il est trop niais. Voilà, c'est bien heureux. Il y a 2 heures seulement que je suis sorti de prison. Qui t'empêchait de sortir plus tôt? Je t'avais envoyé une lime pour scier un des barreaux de ta prison et une pièce d'or pour t'acheter un habit bourgeois. Que veux-tu? Déserter me semblerait un grand crime. La lime me servira pour affûter ma lance. Quant à la pièce d'or... Tiens, il l'a gardée. Oh, non, la Spastia, apporte-nous des fruits confits, des bonbons, des oranges, manzanilla, de tout, de tout, de tout. Tout de suite, mademoiselle Carmencita. Tu m'en veux, alors? Et tu regrettes de t'être fait mettre en prison pour mes beaux yeux? L'on m'a mis en prison, l'on m'a ôté mon grade, mais ça m'est égal. Parce que tu m'aimes? Oui, parce que je t'aime. Parce que je t'adore, Carmen. Voici. Pose tout cela ici. Allez, sauve-toi maintenant. Mon lieutenant était ici tout à l'heure avec d'autres officiers. Ils nous ont fait danser la Romalis. Carmen! Allons, ne te fâche pas. Tu es jaloux parce que j'ai dansé tout à l'heure pour ces officiers? Eh bien, si tu le veux, je danserai pour toi seul maintenant. Je crois bien que je le veux.